dans un monde où l'on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première bonne impression. Un monde où la violence est de mise et où la haine attire. À l'heure où les problèmes de malnutrition et de famine envahissent l'Afrique à vue d'œil, des connards ont jugé utile de modérer leur façon de manger et de casser les couilles à toute la société qui les entoure. Asseyez-vous 3 minutes et préparez-vous un verre bien frais, il va y avoir des descentes d'organes. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire à un fils de pute qui a la même couleur de peau que nous mais pas la même alimentation. Parce que oui, j'ai encore jamais vu un négro manger des racines de tulipes grillées accompagnées de frites en poussière de sapin. Si vous êtes vegan, fermez directement cette vidéo, allez vous foutre votre tofu dans le cul, on n'est pas venu là pour niaiser dans la fournaise. Vous êtes une cible facile mais j'en ai rien à branler. Si j'ai envie de vous voir boiter sur le bas-côté avec un pot d'échappement Polini ProRace dans votre rectum jusqu'au palais, c'est que ça m'éclate. J'ai dans ma vie eu plusieurs fois l'occasion de me retrouver face à ce genre de spécimens qui ont littéralement pollué mon esprit le simple temps d'un repas. Hommes et femmes dans le même panier pour le coup, mention spéciale pour les féministes qui ont réussi à se rajouter ce défaut sans aucune hésitation. T'as donc des poils sous les bras, une coupe de cheveux de mec, t'es gouille, quand tu pètes, ça sent le suppositoire périmé, mais je vais pas m'attarder sur ton cas. Restons sur les végétariens. Ces grosses merdes qui n'ont jamais pensé aux conséquences écologiques d'une prolifération de masse de toutes les espèces, qui ne vivent que par la modération et le refus catégorique d'une alimentation saine et équilibrée. Vous pensez que l'homme de Néandertal, quand il avait la dalle, il se demandait si sa proie allait souffrir avant de la bouffer? La réponse est non. Il lui balançait sa hache en pleine gueule et la bouffait tiède pendant qu'elle agonisait encore. On appelle ça la loi de la jungle. T'as faim, tu manges, point barre. Vous êtes en train de créer une société dénuée de tout sens avec des catégories socio-mentales qui vont petit à petit nous amener vers un constat tristement amer. Nous allons devenir des grosses fiottes. Votre façon de militer et d'emmerder le monde avec vos idées de merde me rappelle tous ces trous du cul qui pensent sauver la Palestine à base de hashtags de prépubères sans même savoir si le pays est gouverné par un roi ou par un président. J'emmerde tous ces connards qui se sentent investis d'une mission mais qui n'ont jamais envoyé un seul centime vers le pays qu'ils estiment opprimés, et ça s'applique à tous les pays du tiers-monde. J'en place une pour ces trous de balles de rappeurs soi-disant militants qui refusent de nourrir les enfants pauvres lorsqu'ils se déplacent dans les favelas pour des festivals. Tu t'es reconnu, Black M? Ton buffet à volonté de gros porc que t'as refusé de partager avec les médians situés de l'autre côté de la vitre. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as refusé de chanter parce que t'avais peur qu'il soit armé. Tu m'étonnes. Ça fait bizarre d'être confronté à la réalité, hein, mon pote. Et pour les gens détectives, je vous laisse faire vos recherches à propos du festival Planeta Gingat 2016. Revenons-en à nos végétariens. Ces gens lopettes qui puent de la gueule à force de déblatérer de la merde sur leur lifestyle aussi pauvre que le dernier compte épargne de Samina Seri à la banque postale. Vous pensez sauver les animaux avec vos conneries sauf que vous détruisez les hommes en les rendant socialement stériles. S'interdire de manger du miel parce que le miel ça vient des abeilles est quand même la plus belle des conneries que j'ai pu entendre dans ma vie. Les mecs se disent végétaliens mais continuent d'acheter des canapés en cuir en promo sur vente privée. Où est la logique? Parce que vous avez une vie de merde, vous vous sentez obligé de l'étaler à tous les niveaux? Je vous mets dans le même panier que tous les tocards qui ont investi dans des clopes électroniques et qui t'expliquent à la première occasion comment on recharge, quelle dose de nicotine il faut mettre et s'il vaut mieux se la prendre dans le cul avant la tracher et vice versa. Si tu veux sauver les animaux, porte tes couilles pour de vrai, va en pleine nuit dans un cirque et vole-les tous. Loue un bus et va les ramener au Kenya en écoutant Julien Doré en buvant tes putains de thé aromatisés de chez Starbucks à 6€. Je te mets au défi d'arriver à Nairobi ou à Ouagadougou et de demander aux gens du marché s'il y a du gluten dans leur pain. Ils vont tellement se marrer que tu vas finir au fond d'un puits avec un buff qui te touillera la rondelle jusqu'à ce que t'acceptes le fait que t'es une merde. Maintenant détrompez-vous, je préfère les animaux à la race humaine et les actions humanitaires au final de Coupe du Monde. Simplement, et vous l'aurez compris, je déteste 90% des gens qui pensent pouvoir te convertir à une cause alors qu'une position sur un concept doit se faire de façon autonome. C'est pareil avec la religion, la politique et tous les mots qui finissent par isme. Informez-vous, restez discret, pensez de façon lucide et réfléchie. Un jour le monde changera mais je serai plus là pour le constater. En attendant, allez tous vous faire enculer. À bientôt.